Dance, dance, dance.

je suis en feu. Like a 63, I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride or die, she gon' go, I'm gon' do. She finesse, I fight for, she take that. Putting overtime on your body. Bonsoir sur Skyrock avec le son des Fifth Harmony, les 5 américaines, les Fifth Harmony, avec Work From Home sur Skyrock. Il y a un match de foot, ouais, parce que c'est reparti pour la Ligue 1. Et c'est Marseille qui joue là face à Toulouse. Ça fait 73 minutes de jeu. Et il y a toujours 0-0 entre les deux équipes au stade Vélodrome. Donc voilà pour les matchs de foot. Le son sur Skyrock avec Drake. En ce 14 août, demain c'est férié en plus. Ça fait un long week-end pour ceux qui taffent. Sinon pour ceux qui sont en vacances, bah ça change rien. De toute façon, vous êtes en vacances, bah profitez bien de l'été. En tout cas, c'est le cas pour vous. Il y a le son de Shai aussi, la belge, la signature du label de Booba qui va débarquer. Il y a Drake, donc je vous en parlais. Puis Calvin Harris et Rihanna aussi sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rap R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale.

If you hear God, make the folly disappear when they see a God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a dear God. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me. This girl is on fire.

Sur Skyrock, l'invité de Fred dans Planète Rap. C'est dans une semaine maintenant le retour de Planète Rap en direct avec Maître Gims pour cette nouvelle saison de 2016-2017. J'ai un problème de calcul de date, hein, vous avez noté. Maître Gims, donc l'invité la semaine prochaine, Fred, Planète Rap, juste avant la radio libre de D-Fool, Rail Suprême qui débarque tout à l'heure à partir de minuit, comme chaque dimanche soir. DJ Snake maintenant avec Turn Down For What, le son qui est devenu un classique maintenant de DJ Snake avec la voix de Lil Jon. Ritza aussi pour la suite du son, tout comme Calvin Harris et Rihanna, tout comme Jul aussi qui débarque dans quelques instants sur Skyrock. Allez, bonne soirée à tout le monde, bon été si c'est le cas pour vous, profitez bien.

Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Direct sur Skyrock. Yeah.

DJs au platine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. Dansez à la oui jusqu'au bout de la nuit. Dansez à la oui jusqu'au bout. Rise Supreme, minuit 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock.